Chapitre 15e, épilogue. Marie achevait de s'habiller. Elle avait pris particulièrement de soin à choisir ses vêtements. Elle voulait que la journée soit parfaite, jusqu'à la dernière minute, leur dernière minute. Elle se regarda de profil pour voir si la rondeur de son ventre commençait à se voir. « Si je ne lui dis pas maintenant, il s'en rendra compte et il m'en voudra encore plus. Je lui dirai quand il partira et je lui donnerai rendez-vous pour dans un an. » Je lui enverrai un faire-part de naissance, et nous aurons alors très envie de nous revoir. Tout recommencera, et ce sera merveilleux, se dit-elle. Christophe avait fait bonne figure en partant. Elle le lui avait dit en essayant de le ménager le plus possible, et en insistant sur le rendez-vous dans un an pour tout recommencer, que ce serait aussi bien que leur première fois. Il avait acquiescé sans s'attarder pour ne pas fondre en larmes devant elle. Il ne voulait en aucun cas qu'elle ne se sente coupable ou qu'elle puisse être malheureuse de sa réaction. Il avait été fort pendant ces quelques minutes et cela l'avait épuisé. Il était passé du 7e ciel à l'enfer. Il n'était pas le premier, mais il se fichait des autres, de tous les amants morts d'aimer. La vie lui pesait. Il voyait son existence s'alourdir et se vider en même temps. Il était assommé, avachi, fini, incapable d'allumer la télévision une fois chez lui. Il ne savait plus comment il avait trouvé le chemin de son appartement. Il ne savait plus rien. Il se noyait dans son chagrin. Ses pleurs remplissaient l'appartement d'un déluge de tristesse. Il pensa qu'il exagérait et qu'il devait se reprendre ou disparaître avant de se maudire de ses funestes pensées. Il voulait rester éveillé. Il lutta contre le sommeil. Il s'imagina Marie auprès de lui une dernière fois. Elle ne le quitterait que le lendemain. Elle lui appartiendrait encore cette nuit. Il ne devait pas dormir. Il voulait la posséder ardemment encore une fois. Il voulait revivre leurs instants magiques. Il en mourait d'envie. Il écarta rageusement l'image de Chantal qu'il avait entreaperçue et plongea dans ses souvenirs les plus doux, jusqu'à se fondre en Marie. Au petit matin, il se dit qu'il aurait dû aussi rêver ses rencontres comme le reste de la semaine. Au moins, il n'aurait pas eu à affronter cette catastrophe. Il aurait eu la maîtrise de la situation. Il était fait pour le rêve, pas pour la réalité. Et s'il arrivait finalement à rêver aussi ses rencontres, il voyait déjà ses yeux qui étaient la naissance de tout, puis son nez, sa bouche, ses lèvres, son visage avec ses cheveux. Elle souriait et lui disait « Viens, rejoins-moi, je suis là pour toi. » Alors il s'avançait et la prenait dans ses bras. Il sait la douceur de ses seins contre sa poitrine, la chaleur de son ventre. Plus rien au monde n'existait maintenant, il volait au-dessus du monde et il était heureux. Le petit garçon demande « Pourquoi pleures-tu, monsieur ?»« Parce que maintenant je sais que mon rêve est un rêve, qu'elle n'existe plus ailleurs que dans mon rêve. » Le petit garçon se regarde dans le miroir et il voit son visage changer comme si les images du film étaient accélérées. En même temps que ses traits évoluent, sa tête se remplit. Il fait des efforts à l'école pour que sa maman soit fière de lui. Elle est souvent triste depuis que Denise est partie et il aimerait savoir comment la consoler. Il se sent grand et encore petit. La poussière envahit les pièces. Personne n'est là pour l'enlever pour le moment. L'appartement est inoccupé. Tout ce qui était périssable a été enlevé. Dans les vases, les pots, les placards de la cuisine, le frigidaire. Tout est donc mort maintenant, mais il subsiste encore une tache de sang sur la moquette de la chambre. Il faudra la changer, et il ne restera plus de traces. La vie continue, celle des autres. Son âme lumineuse fait une dernière fois le tour de l'appartement et sa clarté illumine tour à tour le lit, la commode, la coiffeuse, les coussins puis la fenêtre qui ne va pas l'empêcher de s'envoler. Elles sont toutes différentes et toutes pareilles, aucune ne persiste longtemps dans sa mémoire. Est-ce dû à son cerveau ou à l'absence de sentiments dans ses relations? Doit-il essayer de s'attacher à une seule d'entre elles? Une jeune et jolie silhouette couronnée par un sourire d'ange? Il la suit. Son grand sac ouvert pour l'accueillir en lui criant que le sac est vide, qu'il l'a fabriqué pour elle, qu'il l'attendait depuis longtemps. Elle le regarde, lui sourit et saute dans le sac. Cet autre sac est ouvert et son contenu s'est répandu sur le sol. Des perles de plusieurs couleurs, mais il les regarde avec indifférence. Sa pierre à lui a disparu, elle a dû s'envoler. Indifférente elle aussi à la pesanteur de ce monde trop ingrat. Son regard est figé sur ses perles. Il n'a plus la force de le tourner ailleurs. À quoi bon? Il n'y a rien à voir d'autre maintenant. Son cœur est lourd, presque aussi lourd que son corps, presque aussi lourd que son âme. Elle ne pourra plus s'envoler, c'est sûr, mais qu'importe. Il aimerait tellement être une de ses perles. Peut-être, en y pensant très fort, y arrivera-t-il. Il a l'air triste. Son visage semble décomposé et les gens le plaignent en murmurant à côté de lui. Pourtant, en même temps, il se frotte les mains. Il les frotte si fort l'une contre l'autre que des étincelles apparaissent, puis des flammes jaillissent, s'élèvent et se communiquent à la photo qui dansait devant ses yeux. Et la photo prend feu, et elle se consume, et elle disparaît. Le masque tombe. Le ciel est peint en gris derrière les barreaux. Il ne peut être que gris. Il le sait, comme l'armure qui recouvre son corps de la plante des pieds aux cheveux. Elle le protège, espère-t-il. Il n'a pu sauver que ça. Il ne doit plus jamais l'enlever, plus jamais. Pourquoi avait-il essayé de vivre sans? Il était sûrement né avec, et il devait mourir avec. C'était son destin. Simplement son destin. Les deux femmes jouent, puis se lèvent, s'embrassent et reprennent leur jeu. Elles se regardent, se sourient et boivent une gorgée de thé. L'une d'elles tend une lettre à l'autre qui la lit à haute voix et elle rit, se penche, s'embrasse. Puis elle regarde la photo de l'adolescent qui a écrit la lettre et se prend la main et la serre, puis se lève et quitte la pièce. Il y a des fleurs qui pleuvent, enfin les fleurs. Il court, court et s'enfuit. Il tourne à droite, puis à gauche, franchit les obstacles, traverse les cours d'eau, mais il perd du terrain. Comment est-ce possible? Il sent son souffle sur sa nuque. Il se retourne et le bébé lui porte un violent coup sur la tête. Tout est noir. Le journal du matin titrait sur le dénouement de l'affaire et sur le rôle de Christophe et, accessoirement, de Martin dans la résolution de ce crime odieux. Chantal l'avait bien travaillé et espérer une juste récompense de son action. Une semaine a suffi à notre police pour trouver l'assassin de Madame Doulade, mais elle n'a pu hélas empêcher M. Marchand, son fiancé, de faire justice lui-même et de se condamner à la prison. Martin sourit en le feuilletant, en sirotant son petit café en face d'un Christian bavard, car heureux pour ses amis. Ils attendaient Christophe. De son côté, Bégé fut à la fois agacé et satisfait, en lisant tout ceci, puis l'embarquement de son vol commença. Dire que la veille, Marceau avait été dans ce même aéroport et avait failli s'échapper, déguisé en femme. Car Paul et Lestage avaient eu le nez creux de s'y rendre, ou alors ce n'était que de la chance. Il faisait beau, mais il ressentait une espèce de nuée qui enveloppait le ciel. C'était une impression étrange, une sorte de halo qui les recouvrait. Il se demanda s'il était le seul à éprouver cela, et allait en parler à sa femme, lorsque l'embarquement de son vol fut annoncé. Il oublia instantanément sa question. Ses vacances commençaient.